Dans la deuxième partie, le sujet « Utiliser les énergies contradictoires » demande dans la dernière partie qu'on a parlé tout à l'heure, vous avez fait mention dans les négociations d'un processus de tension qui existait parce qu'il y a comme un tiraillement entre des individus qui possèdent une certaine autorité, qui disposent d'un certain contrôle et qui ne veulent pas lâcher. Ceci souvent engendre des contradictions. Et souvent, les individus qui ont à travailler ou à vivre des relations familiales, sociales, quelconques, sont exposés à des contradictions, c'est-à-dire une sorte d'amour ou d'intérêt vers un individu ou un groupe d'individus, et en même temps, ils doivent défendre leurs intérêts, et en apparence, du moins, il semble y avoir une contradiction. Est-ce qu'il y a une possibilité pour toutes les situations de comme vivre une solution qui permet d'utiliser la force négative qui semble se présenter devant nous quand on a à créer ou à construire quoi que ce soit. Là. Et évidemment, vous parliez du lac Meech tout à l'heure, là, mais est-ce qu'on peut utiliser une énergie qui est en opposition à nos intérêts et s'en servir de façon créative? Est-ce que c'est possible, ça, ou est-ce que c'est une illusion? Vous parlez au niveau social en général, pas au niveau du couple. Non, là, je sors du couple, là, mais disons que je voudrais étendre ça dans le fait, disons, des gens qui ont utilisé certains talents, certaines habilités, et qui sont confrontés dans leurs intérêts personnels ou dans leurs besoins personnels, sont comme obligés d'aller dans un sens quasi opposé à leurs besoins ou souvent opposé à leur valeur de vie. Là. Et est-ce qu'il y a un moyen à ce moment-là de solutionner, de trouver une solution créative, un mouvement là, qui est intelligent, là, quand il y a un effet négatif ou opposé à ça. Est-ce que vous avez besoin d'un exemple? Non, c'est parce que votre question est très vaste. Mais si je l'explore, là, le problème des contradictions qui naissent dans une situation polarisée. Le problème est toujours dû au fait que les individus ne sont pas dans leur identité. Si les individus étaient dans leur identité, ou si les groupes étaient dans leur identité, ainsi de suite, les contradictions n'existeraient pas comme on les connaît aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est une contradiction? Une contradiction, c'est un rapport de force, c'est un rapport de valeur. Si l'homme, ou lorsque l'homme aura une identité, l'homme ne vivra plus par rapport à des valeurs. Mm-hmm. Un homme conscient n'a pas de valeur. Il peut en créer. Il peut créer. Mais un homme conscient, la conscience créatrice n'a pas de valeur. Elle engendre. Elle engendre selon des lois de nécessité dans un temps ou dans un autre. Ce qui crée des valeurs, c'est le statu quo psychologique du mental humain et de l'évolution. Ce qui crée des valeurs, c'est l'inhabilité de l'ego de reconnaître chez l'autre, comme chez lui-même, une transparence. Les valeurs qui existent dans le monde, à toutes les échelles, sont le résultat d'un manque de transparence. La valeur qui existe, par exemple, entre un juif ou un néo-nazi, ou un juif, puis un arabe, ou un chrétien, puis un hindou, c'est toujours par rapport au manque de transparence. Et les hommes n'ont pas de transparence parce que les hommes n'ont pas d'identité. Le problème de l'humanité sur le plan de l'évolution, le problème de l'humanité sur le plan de civilisation, c'est un problème de transparence. On n'a pas allé loin. Si, regardez le conflit qui a duré 3 générations entre les Russes et les Américains, qui a été finalement, qui a été amené à une sorte de résolution historique dernièrement avec la venue de Gorbatchev. Ce que Gorbatchev a compris et ce qu'il a voulu amener dans sa mission historique dans le monde en Russie, ça a été de la transparence, un peu plus de transparence entre la Russie puis les pays capitalistes. Donc le phénomène de transparence a permis de l'ouverture. Il faut qu'il y ait de la transparence entre les hommes. S'il n'y a pas de transparence, à ce moment-là, on vit un statu quo, donc on vit des valeurs, et il y a des valeurs qui sont extrêmement, extrêmement dense, régi par le corps émotionnel. Il y a des peuples, il y a des nations, il y a des individus qui sont régis énormément par leurs émotions, et les valeurs qui font partie de leur conscience ou de leur inconscience sont très, très difficiles à remplacer par d'autres. Donc, de ceci, de cette condition, naissent les contradictions. Et les contradictions ne peuvent pas être éliminées. Elles peuvent être temporairement résolues, temporairement rebalancées par le processus, par exemple, de négociation, mais ça n'élimine pas la tension, parce qu'il faudra faire des renégociations l'an prochain, puis dans 5 ans, puis dans 10 ans. Mm-hmm. Donc, le problème de la contradiction est lié au fait que l'homme n'a pas de transparence. Si l'homme était transparent, il y aurait de l'identité. S'il y avait de l'identité, il n'y aurait pas de contradiction. Et à ce moment-là, le point de vue de l'un et le point de vue de l'autre se fondraient et créeraient une synthèse. Autrement dit, l'esprit vient à la rescousse du mental. Et à ce moment-là, ben, les deux êtres, dans leur identité, en dehors de leur personnalité, plus rapprochés de leur personne, en arriveraient finalement à une entente créative, utile pour les deux, et un verrait dans l'esprit de l'autre ou de l'esprit de l'autre quelque chose qu'il n'avait pas vu lui-même, vice-versa. Et c'est ça le processus de raffinement de l'intelligence de la civilisation. Et sur le plan collectif, c'est très long. Sur le plan individuel, c'est plus court. Par contre, c'est très long aussi à l'intérieur d'une vie personnelle. Pour un homme, pour qu'un homme en arrive à une identité, à développer son identité dans une vie, ça prend au moins un cycle de 7 ans. Parce qu'il y a tout un processus mémoriel à redéfaire. Il y a toute une conscience de soi à réaliser. Et le minimum, c'est 7 ans. Puis au niveau des civilisations, c'est encore plus long que ça. Donc, mais vous dites, là où il n'y a pas de valeur qu'un être donne à quelque chose, il n'y a pas de contradiction dans sa vie. C'est ça que vous dites? Ce sont les valeurs qui amènent les contradictions. Okay. Quand je dis qu'un être n'a pas de valeur, ça ne veut pas dire qu'un être n'a pas de conscience permettant de bien juger ce qu'on appelle la valeur, autrement dit, la qualité d'une forme. Mais on n'en est pas prisonnier. Le problème des valeurs aujourd'hui, les problèmes des valeurs évolutives, sur tous les plans, que ce soit la religion, que ce soit la philosophie, que ce soit la science, c'est que ces valeurs-là sont reliées à la mémoire de la race. Mm-hmm. Si on prend les religions comme exemple, ou les politiques, ou les, c'est tout relié à la mémoire de la race. Et l'homme, l'individu, ne peut pas fonctionner là-dedans. Alors, ce qui fonctionne là-dedans, c'est pas l'individu. C'est l'homo sapiens moderne. C'est pas l'individu, c'est pas la conscience, c'est pas l'intelligence créatrice, c'est la personnalité plus. Okay. Donc, c'est inévitable que les contradictions demeurent toujours des sources de conflits. Et plus on avance dans le temps, on regarde par exemple les grands conflits qu'il y a eu entre les nations, entre la Russie puis les États-Unis, ou le capitalisme et le communisme, puis dans les années qui viennent, on va voir que ça sera plus à ce niveau-là qu'on va avoir les grands conflits. Les conflits vont être dans la rue. Les conflits vont être entre les groupes, entre les ethnies, entre les individus, entre les sectes. C'est là que, mm-hmm. au 21e siècle, ça va être là que ça va se situer les problèmes. Mm-hmm. Puis, quand vous êtes rendu à un point où le mal de l'intelligence, j'appelle ça le mal de l'intelligence, ou le mal dans l'intelligence, sort des grandes sphères politiques ou des grands domaines de la politique mondiale pour entrer dans les vastes étendues de la conscience humaine dans les rues, dans la vie de tous les jours, on n'est pas sorti du trou. Vous parlez des choses comme les skinheads. Toutes ces choses-là, le racisme. Alors, c'est basé sur quoi? C'est basé sur des valeurs qui sont engendrées par un état émotif très fort, qui n'est pas éclairé par de l'intelligence, donc qui amène des contradictions très souvent insolubles, qui sont même pas négociables. Mm-hmm. Tu peux pas t'imaginer un skinhead négocier avec un noir, par exemple. Mm-hmm. Il n'y en a plus de négociation parce que déjà le niveau mental, psychologique n'est pas suffisamment développé. Mais c'est le fait que ces gens-là s'identifient à une valeur qui crée le problème? C'est parce qu'ils s'identifient à une valeur, mais pourquoi ils s'identifient à une valeur? Parce qu'ils n'ont pas d'identité. Le problème de... pendant l'évolution, pendant les millénaires, l'homme s'est identifié à des valeurs extérieures à lui-même. Donc, l'homme n'avait pas d'identité. Donc, l'homme, pendant des millénaires, a vécu des conflits à tous les niveaux de son expérience. Maintenant que l'homme rentre dans l'évolution de la conscience sur la Terre, à ce moment-là, lentement, graduellement, l'homme va être amené à prendre conscience de son identité. À ce moment-là, l'homme ne vivra plus par rapport à des valeurs qui sont extérieures à lui-même. Il va être obligé de vivre par rapport à une conscience créatrice qui, elle-même, va dicter la loi de son esprit sur la force. Mm-hmm. Je donne un exemple. Bon, c'est un exemple qui est purement technique. Il y en a beaucoup d'autres, mais je prends celui-ci parce qu'il est sérieux pour beaucoup de personnes. On prend le phénomène de l'euthanasie. Mm-hmm. Sur le plan social ou de l'avortement. Sur le plan social, l'euthanasie, c'est pas un problème qui est résolu tout de suite. C'est comme l'avortement, c'est pas un problème qui est résolu tout de suite. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas d'identité. Un médecin qui aurait une identité face à l'euthanasie vivrait le phénomène de l'euthanasie très différemment d'un médecin qui vit ses valeurs médicales par rapport à un consensus ou par rapport à une fraternité médicale. S'il est intelligent, à ce moment-là, il vivrait l'euthanasie d'une façon totalement créative. Mais si l'homme n'a pas d'identité, à ce moment-là, il est obligé de vivre le phénomène ou le problème social de l'euthanasie ou le problème social de l'avortement par rapport aux valeurs qui font partie de la conscience de la race. Donc, l'homme est piégé en tant qu'individu dans une vaste étendue de valeurs qui font partie non pas de l'homme créatif, intelligent, mais de la conscience sociale, raciale de la Terre, qui a des racines dans le passé historique et qui, graduellement, au cours de l'évolution, vont se voir déraciner, comme on a vu au 20e siècle, beaucoup de choses qui ont été déracinées dans le monde moderne. Il y a des choses aujourd'hui qu'on a mises de côté, par exemple dans le Québec, mais qui sont de l'actualité en Afrique ou en Amérique du Sud. Dans un autre 50, 70 ans, en Amérique du Sud, ça, probablement que ça sautera aussi, ainsi de suite. Donc, le processus, il est long. Par contre, un individu qui est dans son identité ne peut plus vivre par rapport aux mémoires de la race. Est-ce qu'une loi, c'est une valeur? Pardon? Est-ce qu'une loi, quand un gouvernement vote une loi, est-ce qu'il crée une valeur? Non. Quand une loi, ce n'est pas une valeur. Une loi, c'est une régimentation intelligente d'un processus social pour le bien-être d'une majorité. Donc, une loi, c'est une régimentation dans ce sens qu'une loi, c'est une loi, il faut que ce soit obéi. Si la loi est intelligente, tout le monde, en majorité, concorde dans une certaine obéissance de la loi. Si la loi n'est pas intelligente, éventuellement, elle va sauter à travers d'autres gouvernements ou d'autres études. Mais une loi, c'est une régimentation psychologique du mental d'une nation ou d'un groupe pour le bien-être mutuel d'une majorité. Donc, une loi, c'est nécessaire dans un monde ou dans une civilisation où l'homme n'a pas d'individualité. Donc, on lui impose une forme intelligente soutenue par la majorité pour permettre qu'il y ait plus d'ordre dans la société. Par contre, si on parle d'une société future ou si on parle d'autres civilisations où les individus ont une identité, c'est-à-dire que où les individus vivent en relation étroite avec l'esprit, le propre lumière. À ce moment-là, les lois, elles existent, mais elles sont d'un autre ordre. Ce ne sont plus des lois qui servent à enrégimenter positivement une civilisation, ce sont des lois qui servent à organiser créativement des gouvernements. Okay. Fait, aujourd'hui, la loi, elle existe pour les masses. Dans l'avenir, les lois existeront pour les gouvernements. Mais quand on parle de lois pour les gouvernements, ce sera les lois entre tel gouvernement et tel gouvernement. Le gouvernement de la Terre ou le gouvernement d'autres planètes. Mm-hmm. Il y a des lois. Ce sera... Mais pour le moment, sur le globe, dans nos civilisations, l'individu est piégé par des valeurs et il ne pourra jamais se libérer des valeurs d'une façon sociale, c'est-à-dire d'une façon collective. L'homme sera obligé de passer de l'involution à l'évolution, c'est-à-dire il sera obligé de passer de la programmation psychologique de son ego, de son moi, à l'évolution mentale de son intelligence, qui l'amènera indéfiniment, dans le temps, à une conversion de son énergie psychologique à une forme créative intégrale. C'est-à-dire que l'homme aura un rapport étroit avec sa source. Ce que les psychologues appellent le grand moi, ou ce que les occultistes peuvent appeler le double, ou ce que d'autres personnes peuvent appeler d'un autre nom. L'homme en arrivera à être en communication télépathique, créative, mentale avec sa source, et à ce moment-là, l'homme n'aura plus besoin de vivre par rapport à des valeurs. Parce que lui-même, dans sa créativité, sera obligé de s'assurer de l'équilibre constant entre sa créativité et le monde dans lequel il se véhicule. Est-ce qu'une valeur tire sa source d'un besoin? La valeur tire sa source d'un besoin social, la valeur tire sa source d'un besoin spirituel, la valeur tire sa source toujours de l'impuissance créatrice de l'individu. Si l'individu était dans sa puissance créatrice, l'homme en tant qu'être n'aurait pas besoin de valeur, il serait lui-même valoriel. L'homme serait totalement intégral, son rapport avec les hommes serait totalement lumineux, son rapport avec les idées serait totalement mécanique. Alors qu'aujourd'hui, l'homme vit les idées de façon idéologique. L'homme conscient ne peut pas vivre une idée de façon idéologique parce qu'un homme conscient est capable de détruire une idée pour en créer une autre, pour faire avancer le processus mental de sa race. Mais l'homme inconscient est obligé de vivre l'idée en fonction d'une idéologie plus ou moins étendue, plus ou moins universelle, et automatiquement, il perd son identité dans ce processus-là parce qu'il n'est pas capable de résoudre le conflit entre la nullité psychologique de son moi par rapport à une grande masse majoritaire et la créativité puissante de son ego en alliance avec sa source. Mm-hmm. Et là, le problème de l'homme. L'homme n'est pas capable de bénéficier de l'absolu de sa conscience. Il n'est pas capable de bénéficier de la rencontre entre lui en tant que terminal sur une planète et lui en tant que source créatrice dans un autre plan, dans une autre dimension, dans d'autres mondes parallèles. Donc, il est totalement infirmé. Il n'y a pas de moyen. Il est impuissant, donc il est obligé de s'assujettir à une puissance temporelle ou à une puissance spirituelle. Donc, la puissance temporelle, c'est la puissance des gouvernements qui est nécessaire. La puissance spirituelle, c'est la puissance des églises, des religions qui est nécessaire. Tant que l'homme ne sera pas arrivé à une définition intégrale de sa conscience supérieure, de sa conscience que j'appelle souvent supramentale, ou de sa conscience cosmique dans l'avenir. Il n'y a pas de danger pour un individu, exemple, qui se libère finalement des valeurs dites sociales, qui, de la façon dont vous le parlez, sont des impressions. Il ne s'agit pas pour l'homme de se libérer des valeurs sociales. Il s'agit pour l'homme de ne pas être prisonnier émotivement des valeurs sociales. Autrement dit, une valeur sociale, ça colore toujours l'émotivité humaine. Moi, je vis dans une société humaine, je respecte les lois. Mais je respecte les lois en fonction de leur intelligence. Si je devais faire face à des lois qui n'étaient pas intelligentes, je me retirerais de l'influence de ces lois-là sur mon mental. Je donne un exemple. Okay. Purement simple. Si j'étais une femme, avec ma conscience, par exemple, vis-à-vis le problème de l'avortement, mm-hmm. Il y a des femmes qui sont pour et des femmes qui sont contre. Okay. Alors, si j'étais une femme, je traiterais du problème de l'avortement par rapport à ma conscience, à moi, ma personne, mon intelligence créatrice. Bon. À ce moment-là, si je vivais dans un pays où la loi m'interdisait l'avortement, je ne me promènerais pas avec des pancartes pour essayer de faire changer la loi. Je prendrais un avion, j'irais ailleurs, je reviendrais vite. Mm-hmm. Mais là, vous ne respectez pas la loi. Non. C'est ça le problème. C'est une contradiction. Ça. Non, non. On en a une. Dans le pays, tu respectes la loi. OK. Si tu sors du pays, tu es sous d'autres lois. Mais t'es citoyen canadien. T'es citoyen canadien, mais quand tu sors du pays, quand tu t'en vas dans un autre pays, t'es régi par d'autres lois, qui sont les lois de ces pays-là. OK. Autrement dit, la loi, ça te traîne pas aux fesses forever. Quand tu t'en vas en Chine, t'es en Chine, mon cher. Si tu y vas, tu vas voir que t'es pas au Canada quand t'es en Chine. Bon. Alors, autrement dit, si je suis capable, en tant que femme, de supporter émotivement ma décision, à ce moment-là, le problème est résolu en ce qui me concerne et je n'ai pas entravé la loi canadienne. Okay. Alors, en ce qui concerne les valeurs, pour l'homme, c'est la même chose. Quand l'homme sera dans son identité, l'homme respectera les lois, parce qu'ils font partie du besoin du pays, ils font partie du besoin de la civilisation, de la majorité, de l'équilibre. Mais lui ne sera pas assujetti à une loi qui ne se conforme pas à son intelligence. Okay. Il y a des lois qui se conforment à ton intelligence, et il y a des lois qui ne se conforment pas à ton intelligence. À ce moment-là, tu ne peux pas être régimenté par ces lois-là. À ce moment-là, tu es obligé de prendre une décision, mais il faut que tu supportes émotivement ta décision. Si tu es encore prisonnier de la mémoire de la race, tu reviens chez vous, tu te croches, là, à ce moment-là, tu as un problème d'identité. Tu aurais été bien mieux de rester ici, puis le garder. OK. Est-ce qu'une personne qui a de l'identité, c'est une personne qui fait sa propre loi? Non. Une personne qui a de l'identité est en soi-même, en elle-même, une loi pour elle-même. Une loi. Elle est une loi pour elle-même. Il n'y a pas, ben là c'est de la question que je posais tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas un danger pour une personne qui a de l'identité de se prendre pour une sorte de dieu ou de super-héros? Une personne qui a de l'identité, dans le sens que je le parle... Oui, mais c'est ça qu'on a de la difficulté à cerner. Une personne qui a de l'identité est déjà une personne qui a une très grande transparence. Okay. Une personne qui a une très grande transparence est amenée dans la fusion de sa conscience à une élimination totale de toute forme d'égocentricité. Donc, le danger que vous proposez devient inexistant. Ce qui crée le danger dont vous parlez, c'est l'égocentricité. Si l'homme est transparent à sa propre lumière, si l'homme est transparent à sa propre intelligence, si l'homme est transparent à sa propre réalité, à ce moment-là, l'homme ne peut plus être une menace parce qu'il vit par rapport à sa source. Il vit par rapport à une conscience universelle créatrice. Il ne vit plus par rapport à des ambitions psychologiques, égocentriques, humaines. OK. Est-ce qu'une personne qui travaille à se donner de la valeur, c'est un individu qui travaille dans le sens de se créer une identité, ou si c'est simplement une personne qui cherche une impression d'identité? Une personne qui se crée de valeur se cherche une impression d'identité. Donc, il n'est pas dans une identité. Ah non, non. Donc, il se crée un personnage. Il se crée un personnage. Bon. Il se crée un personnage. Fait que cette personne... C'est une identité qui est fictive. Bon, la question qui suit à ce moment-là, cet individu-là va évidemment vivre avec des contradictions. Mm-hmm. Comment on en arrive à avoir l'identité si, en éliminant les valeurs dites sociales en termes d'impression, non pas en termes de valeur comme telle, puis en ne se donnant pas une valeur personnelle, comment on trouve une identité et de savoir qu'on est, comme vous dites, sa loi? Là. Comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est la chimie. L'identité, c'est le résultat du contact intérieur entre l'homme et sa source. Donc, il n'y a pas de travail qui se fait vers ça? Il n'y a pas de travail. C'est le résultat de la fusion de la source avec l'âme. Il faut qu'il y ait une connexion entre l'esprit, l'âme et l'ego. C'est ça l'identité. Mm-hmm. Et ça vient d'en haut, ça vient de l'esprit, ça vient de la lumière, ça vient pas de l'ego. Un ego qui voudrait se donner cet état-là, automatiquement en arriverait à se créer une fausse identité. Il en arriverait à se créer une identité spirituelle qui deviendrait évidente aux hommes autour de lui. Il faut que ça vienne d'en haut, il faut que ça parte de l'intelligence, il faut que ça parte de la source, puis ça s'imprègne à travers l'âme, ça s'imprègne à travers l'ego. C'est ça l'identité de l'homme, c'est ça la fusion, c'est ça la personnalisation, c'est ça l'individualisation de l'homme, de l'avenir. C'est ça qui va permettre à l'homme finalement de s'affranchir des conditions psychologiques de son moi pour entrer finalement dans la liberté créatrice de sa conscience universelle, de sa conscience intégrale. Okay. Donc, un individu ne peut pas faire de démarche d'aucune forme. Il peut juste être... Il peut. Ça fait partie de son expérience. Ça fait partie de l'expérience de l'âme. L'expérience... Vous pouvez aller au Tibet, si vous voulez. Ouais. Tu vas au Tibet, tu vas revenir. Tu vas être maigre. tu vas être du fun. Tu vas rencontrer quelqu'un. Mais c'est pas en allant au Tibet que tu peux rentrer dans ton identité. Ouais. C'est intérieur, l'identité. Ça n'a rien à faire avec les voyages, ça n'a rien à faire avec les déplacements, ça n'a rien à faire avec les maîtres, avec les rencontres. C'est entre toi et toi. Qu'est-ce que les autres font pour, je J'étais pour dire, pour trouver une identité, qu'est-ce que l'environnement vient faire dans le portrait? Là? L'environnement s'oppose toujours à l'identité, parce que l'environnement, c'est la sommation des valeurs sociales. Donc, c'est la sommation des valeurs psychologiques. Donc, c'est constamment le rapport de force entre ce que l'ego voit et ce que la société lui présente, et de là, la souffrance de l'homme. Mm-hmm. L'homme qui va rentrer dans son identité au cours de l'évolution va être obligé d'être confronté constamment. Supposons que tu es un Quaker. C'est une religion qui est pas mal fermée, ça. Oui. Puis, pour une raison ou une autre, tu évolues, tu es amené à une évolution de conscience. Tu vas être pris en sandwich entre Quaker Oats puis ta conscience personnelle. Fait que si ton père, il dit, écoute, mon fils, dans les Quaker, tu peux pas avoir de télévision, tu peux pas avoir le char. Là, tu vas commencer à rentrer une petite télévision. Ça va commencer par la télévision. Après ça, ça va commencer par un char. Tu ne peux pas faire l'amour après minuit. Ah, tu vas commencer à faire l'amour après minuit. Et là, tu vas commencer à casser les valeurs sociales de ta race spirituelle. Puis tu vas souffrir. Parce qu'au début, tu n'auras pas suffisamment d'identité pour être sûr de ce que tu fais. C'est au cours des années. D'ailleurs, on a tous vécu. On a tous été des Quakers. Dans le sens qu'on a tous été des catholiques, par exemple, dans le temps, qui ont cessé un jour, par exemple, d'aller à tous les dimanches confesser nos péchés au petit curé. Puis ça a été tard. Moi, je me rappelle quand j'ai arrêté de compter mes petits péchés au curé. Je sais pas comment j'avais, là. Mais c'était une grande décision de ma vie. Mm-hmm. Une grande décision. Parce que j'avais pas d'identité. J'étais dans le processus. Donc, on en arrive à faire des actes dans la vie qui nous libèrent de certaines contraintes utiles à la société, inutiles pour nous individuellement. Puis, c'est tard. Puis il y en a qui n'en sont jamais revenus d'avoir mis le curé de côté. Mm-hmm. Fait que comme ils n'en sont pas revenus, ils sont allés voir un psychiatre. Ça continue, en vrai. T'sais. Fait que l'homme, pour avoir de l'identité, il faut qu'il soit très fort. D'ailleurs, l'identité, là, dans le sens que je le parle, dans le sens de l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, c'est l'abolition dans la conscience humaine de la moindre crainte. La moindre. En faire ce qu'il veut. Non. La moindre crainte. Point final. Point final. Votre Quaker, là. Fait que si, dans le cas du Quaker, il a peur d'amener la télévision chez eux, il y a déjà une crainte. Donc, il y a un problème d'identité. Il y a un problème d'identité. Un jour, il va peut-être passer par-dessus, puis hop, il va rentrer à la télévision. Après ça, ben, il va aller un petit peu plus loin, ça va être un char. Paf. Mais un jour, ça va être too much pour la société, ils vont se foutre dehors. OK, donc c'est pas lui qui a se foutre dehors. Ah, ils vont le foutre dehors, c'est pas lui. C'est l'environnement qui fait. C'est l'environnement qui va le foutre dehors, bien évidemment. OK, mais ça, c'est un critère important. Parce qu'il y a des gens qui sont révolutionnaires et ils pensent, évidemment, qu'ils ont une identité par le fait d'être marginaux ou tout simplement. Ah, non. Être marginal, mon cher, ce n'est pas une marque d'identité. Être marginal, premièrement, c'est une expérience d'âme. Mm-hmm. Ça représente une certaine évolution psychologique. Une personne qui est marginale est déjà un petit peu plus évoluée dans un sens, mais cette évolution peut être très polarisée. Ouais. Tu peux être marginal pour le bien de ta personne, pour le bien de la société, ou tu peux être marginal pour le mal de ta personne ou le mal de ta société. Mm-hmm. Puis là, vous allez dire, mais qu'est-ce qui détermine si c'est le bien de la société ou si c'est le mal de la société? Puis je vais te répondre, c'est l'historique. C'est l'histoire, ça. Comprends-tu? Regarde le mouvement hippie des années 60. Tu étais marginal pour le bien de ta personne ou pour le bien de ta société. Mm-hmm. Fait qu'au cours des années, tu es revenu dans le système. T'es passé du hippie au yuppie, comprends-tu? Puis, mais t'as pas trop détruit la société, mais t'as amené une certaine conscience. Donc, le mouvement hippie a réellement amené quelque chose à la grande conscience mécanique, nationaliste, militariste du 20e siècle. Donc, le mouvement hippie a fait quelque chose là. Mm-hmm. Mais quand on va plus loin, ensuite, après le mouvement hippie, quand tu commences à tomber dans des sectes là, qui sont réellement basées sur la violence, le mouvement hippie était bon parce qu'il était non-violent. Mais quand tu commences à utiliser la violence pour corriger des erreurs sociales, au lieu d'utiliser le temps ou les formes parlementaires ou démocratiques, comme les terroristes font, par exemple, à ce moment-là, ça devient grave. Aucun gouvernement sur la planète qui, ultimement, va se faire contrôler par des sectes militaristes, sectaires, violentes, comme les terroristes, par exemple. Un jour, ils vont y casser. Ils peuvent même leur faire une guerre. Tu sais, quand Reagan a décidé d'envoyer des avions à, en Libye, ils ont envoyé, hein? Fait que tu peux pas jouer avec les gouvernements, parce que dans le fond, les gouvernements sont l'ultime puissance de la planète. Fait que tu peux jouer la game de ça pendant un certain temps, tu peux faire sauter des magasins à Paris pour déstabiliser, mais un jour, quand les gouvernements en auront le bol, puis ça c'est long, parce que le gouvernement, on le sait, c'est long, puis c'est long, puis c'est long, mais quand ils commencent à travailler, puis ils commencent à s'organiser dans une direction, autour de là, ça casse. Ça, ça va pour tous les sexes, ça va pour tous les groupes, ça va même pour la mafia. C'est pas le temps encore, parce que c'est pas arrivé que les gouvernements cassent la mafia. Mais il viendra un jour si la mafia mettait en péril la civilisation, les gouvernements ensemble se mettraient pour casser ça, puis ça se ferait très vite. Parce qu'ils ont le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont le territoire. Quand t'as le territoire, t'as le pouvoir. Fait que les gens qui sont marginaux, puis qui ont des idéaux, ce qui fait partie de leur expérience d'âme, ça fait partie d'une expérience temporaire, c'est des modes. Puis un jour, ils se réajustent ou ils s'éclatent. Mais la civilisation continue, le monde continue. Mais ça, ça n'a rien à faire avec l'identité. L'identité, c'est totalement personnel. Puis un homme qui danse une identité est capable de se mélanger, d'être très, très fluide avec sa société, dans la mesure où la société est suffisamment intelligente. Moi, je suis bien willing de rester dans la province de Québec tant qu'il n'y a pas trop de violence, que ça se maintient. Mais si Québec deviendrait un désarroi social, je sortirais du Québec, parce que j'ai pas à vivre ça. Je suis pas intéressé à ça. Fait, j'irais dans un endroit plus paisible, plus tranquille. Mais tant que ça se tient dans la province du Québec, tant que ça se tient dans le Canada, ben, je vais vivre là. Donc, étant dans mon identité, ça me permet de bénéficier des grandes valeurs d'un pays comme le Canada ou d'une province comme la province de Québec. Mais dans la mesure où le désarroi social n'est pas trop grand parce que des gouvernements ont pris des décisions qui n'étaient pas suffisamment intelligentes, que moi, je serais obligé de payer, par exemple. Ça fait que donc, quand tu es dans ton identité, l'identité, c'est un rapport d'équilibre entre l'ego, l'âme et l'esprit. Puis si tu amènes l'identité très loin dans sa définition, mais éventuellement, c'est la fusion. C'est la fusion entre la lumière puis l'homme. Puis quand l'homme sera arrivé à vivre cette conscience à un niveau suffisamment avancé, l'homme sera totalement conscient de son identité et il aura, par conséquence de cet état d'esprit, un respect intégral pour l'humanité ou les groupes, ou les groupuscules, ou les sectes, ou ce qui existe dans le monde, qui n'est pas dans son identité. Dans le phénomène de l'identité, tel qu'on l'entend, on sent un pouvoir là-dedans. Pour un ego, en tout cas, on a l'ambiance d'un pouvoir dans le fait d'avoir de l'identité. Est-ce que je me trompe, là, à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a un pouvoir? Un homme qui est dans son identité a un pouvoir sur lui-même. Point final. Voilà. Ayant un pouvoir sur lui-même, il est libre de se déplacer corps et âme où il veut, faire ce qu'il veut, mais toujours en fonction de lui-même, jamais en fonction des autres. Autrement dit, un homme qui est dans son identité, le pouvoir est par rapport à lui-même, il fait partie de son intelligence créatrice, qu'il ne peut pas imposer à l'extérieur de lui-même. Parce que ça ne sera plus l'identité, ça sera la recherche d'une identité. Un homme conscient, c'est comme une sphère. Il est une sphère, il vit dans le centre de sa sphère, il peut faire de l'interrelation avec d'autres sphères, mais il ne peut pas englober d'autres sphères. S'il englobait d'autres sphères, ça ne serait pas d'identité. OK, un être qui a de l'identité n'a pas de pouvoir sur les autres. Un être qui a de l'identité n'a aucun pouvoir sur les autres, mais il a une conscience suffisamment grande pour ouvrir la conscience des autres. C'est à peu près le plus loin que ça peut aller. OK. Jusqu'où peut aller son pouvoir sur lui-même? Son pouvoir sur lui-même peut aller ultimement jusqu'au contrôle de son corps matériel. Autrement dit, jusqu'à sa capacité de transmuter la conscience de ses cellules. OK. Maintenant, l'impression que certaines personnes ont d'avoir du pouvoir sur les autres, est-ce que c'est un reflet d'un manque d'identité? L'impression que les gens ont d'avoir du pouvoir sur les autres fait partie de leur orgueil spirituel ou de leur orgueil mental ou de leur orgueil. Avoir l'impression d'avoir du pouvoir sur les autres, c'est avoir quelque part de l'orgueil. Et tu ne peux pas avoir d'orgueil si tu es dans ton identité. Là, je parle dans le cadre de l'évolution de la conscience supramentale. Je m'occupe plus de vos définitions de l'identité de l'Université de Montréal. Dans l'évolution de la conscience supramentale, dans l'identité de l'homme nouveau, il y aura transparence. Et l'identité sera le résultat de la fusion de ce qui est haut et bas dans ses plans. À ce moment-là, l'homme ne peut pas exercer sur d'autres, autour de lui, ce que vous appelez évolutivement du pouvoir. Mm-hmm. Qui n'est pas finalement du pouvoir, de façon... Qui n'est pas du pouvoir. Qui est quoi, d'abord? C'est une impression? Qui est simplement une impression de pouvoir basée sur des lois de contradiction ou sur les lois de puissance. Donc, la faiblesse de l'autre. Sur la faiblesse de l'autre. OK. Puis, probablement, une des grandes caractéristiques de l'homme conscient, c'est que l'homme conscient trouvera son plaisir dans des relations avec des hommes à sa mesure. Mm-hmm. L'homme conscient aura le plaisir d'être en relation avec des hommes en puissance. Il n'y aura pas de plaisir d'être en relation avec des êtres qui ne seront pas dans leur puissance parce qu'il n'y aura plus d'échange. Mm-hmm. De par sa propre nature, ce serait une domination. Okay. Alors, il sortit. Et sa relation, ce sera avec des hommes en puissance. Et pour en arriver à bénéficier puis avoir le plaisir de traiter avec des hommes en puissance, il faut avoir une conscience très transparente. Comment est-ce qu'un homme qui a de l'identité traite ses contrats avec les gens ou son environnement? Est-ce qu'il se lie jamais? Est-ce qu'au contraire, il se lie avec l'évolution ou le destin de certains êtres qu'il choisit? Comment est-ce qu'il négocie? Pas négocie, mais vous aimez pas le mot. Mais comment est-ce qu'un individu qui a l'identité traite ses ententes avec son environnement? Il traite de ses ententes avec... C'est un homme libre, la façon dont vous le parlez. Là. Il traite de ses ententes avec son environnement en fonction de l'équilibre qui existe entre lui et ses partenaires de vie. Donc, c'est son critère d'entente. C'est le seul. Tant qu'il y a de l'équilibre, il y a du plaisir. Tant qu'il y a du plaisir, il y a de l'ouverture de l'esprit entre les deux, entre les trois, entre les quatre. Puis c'est ça le critère. C'est le seul. Si, autrement dit, il va traiter en fonction de la conscience de l'autre. S'il y a suffisamment de conscience, c'est facile de traiter. S'il n'y a pas suffisamment de conscience, il se crée en lui une très grande fatigue. Donc, mm-hmm. Il casse, il lâche, il laisse. OK. Mais il ne laisse pas l'autre. Il laisse à cause de l'événement. C'est-tu les événements qui polluent sa relation avec quelqu'un? Ou s'il peut supporter des événements qui sont très négatifs, simplement parce qu'il y a beaucoup d'esprit dans l'échange? Il peut supporter des événements qui sont négatifs pour un certain temps, jusqu'au temps où il voit que l'autre en arrive à dépasser ça. Mais s'il n'arrive pas à voir que l'autre est capable d'en arriver à son identité, à ce moment-là, il va être obligé de le laisser. Parce que les hommes sur la Terre sont tous différentes mesures d'eux-mêmes. Sont tous différentes mesures de la capacité d'énergie qu'ils sont capables de prendre. Il y a des hommes qui sont capables de prendre des événements, des difficultés, des contradictions, puis de les amener finalement à une synthèse. Il y a des hommes qui ont moins de force intérieure. Donc, un homme conscient, éventuellement, sera obligé de laisser les êtres qui ont moins de force intérieure pour les laisser évoluer à leur rythme. Mm-hmm. Sans ça, ces êtres-là souffriraient trop, ces êtres-là vivraient des initiations à tout casser. C'est trop accéléré. Puis, ça serait trop accéléré, oui. OK. Est-ce qu'un être, à ce moment-là, qui a de l'identité, peut vraiment se lier avec d'autres êtres ou simplement échanger avec d'autres êtres? Un être qui a de l'identité ne se lie à personne. Il se lie à personne. Non. Il peut faire de l'entregent pendant un temps qui convient à sa propre évolution, sa propre destinée, ainsi de suite. Mais un être qui est en relation avec une personne qui a de l'identité n'est jamais sûr de la permanence de sa relation. Mm-hmm. Puis la personne et l'être qui est dans son identité ne peut jamais assurer à l'autre la permanence de sa relation. Même dans le couple? Non. Ah, il y a des nuances. La coupe, c'est le seul endroit où cette loi-là ne s'applique pas. Parce que dans un couple, deux êtres dans un couple, un homme et une femme dans un couple, qui ont une identité, autrement dit, qui sont arrivés à un niveau de fusion suffisamment intégral, ne font pas partie de l'expérience humaine sur la Terre. Ils font partie de l'expérience cosmique sur le plan éthérique. Donc, ils sont déjà préparés à la conscience éthérique. Donc, ce n'est pas leur expérience sur la Terre qui est la finalité de leur mouvement. C'est l'expérience éthérique qui est la finalité de leur mouvement. Donc, ils ne peuvent pas être dissous dans leur relation parce qu'ils n'ont pas été amenés dans leur relation par les conventions humaines évolutives. Ils ont été amenés dans leur relation par l'esprit mutuel. Mm-hmm. Puis même les relations amicales ne sont pas amenées par l'esprit. Les relations amicales sont amenées par l'esprit, mais à travers la personnalité, à travers les courants astraux de la personnalité. C'est pour ça qu'à travers, à cause de ceci, un homme qui rencontre une femme, autrement dit, deux êtres qui ne sont pas dans leur identité et qui se rencontrent, ne sont jamais sûrs de la permanence de leur relation. Tandis qu'un homme et une femme qui sont dans leur identité sont absolument sûrs de leur relation à partir de la seconde où ils se rencontrent. C'est intéressant. Ça veut donc dire, à ce moment-là, que ça ne sert absolument à rien d'investir dans, exemple, dans une évolution sociale. C'est préférable d'investir dans un couple, autant pour l'homme que pour la femme. D'investir, j'entends, en termes d'être disponible. C'est la priorité de l'individu, autant pour l'homme que pour la femme, c'est son couple. Oui, mais vous ne pouvez pas dire ça, parce qu'à ce moment-là, vous établissez une valeur à l'identité dans sa capacité relationnelle d'intégrer l'extérieur ou l'intérieur de la vie. Oui, mais c'est parce que je suis candidat pour la permanence. Oui, mais ça fait partie de votre vocation spirituelle et psychologique. Ça fait partie de votre vision en tant qu'astrologue. Ça fait partie de votre... C'est pas erroné, mais ça fait partie de votre façon de voir les choses. Puis, dans un sens très ouvert, vous avez raison, parce que le couple est fondamentalement le microcosme. Le couple est fondamentalement la base de la relation humaine. Ça, vous avez raison. Mais de là à extrapoler sur ça, puis de dire, bon, l'homme devrait investir plus dans un couple que dans des amitiés, c'est particulariser la valeur de votre entendement, et vous pouvez pas faire ça. Par exemple, il y a des individus dans la vie qui vont dire, ah ben moi je suis célibataire, les femmes, je veux rien savoir, je suis bien, j'ai mon chat tout seul à la maison, je fais mes tâches, je suis content, je suis heureux. Tu peux pas questionner ça. Ouais. Si le gars est heureux de même, au niveau de sa conscience, il doit être respecté dans son célibat. Par contre, il y a des gens qui vont dire, ben moi ça me prend une femme dans ma vie, tu peux pas discuter ça. Bon, ça ce sont des états psychologiques de forme expérientielle qui font partie de l'expérience de l'âme du célibataire ou de l'expérience de l'âme de ceux qui sont dans le couple. Mm-hmm. Par contre, si le célibataire en arrive un jour à une identité intégrale, il réalisera qu'une fois que tu as une identité, tu ne peux plus te permettre de ne pas bénéficier d'échanges avec un autre esprit, parce que le seul plaisir que l'homme peut avoir sur une planète expérimentale telle que la nôtre, c'est l'engendrement créatif de deux esprits qui composent constamment avec les formes dans lesquelles on est plongé. Lui, à cause de son expérience d'âme, puis à cause probablement de d'autres vies antérieures qui ont fait qu'il est obligé de vivre le célibat dans une certaine programmation, à cause de certaines failles, et ainsi de suite. Ça fait partie de son expérience. Mais tu es obligé de respecter ça. Fait que tu peux pas dire, le couple, c'est l'ultime réalité binaire de l'homme et de la femme. Tu peux dire ça au niveau d'une conscience créatrice. Mais tu ne peux pas dire ça au niveau d'une conscience expérimentale basée sur le mouvement des énergies de l'âme et de la mémoire de l'âme à travers l'ego. OK. Bon, un individu qui est en progression, qu'il faut qu'il passe une étape... Mais un homme, je connais des gens, d'ailleurs, depuis plusieurs années, là, des gens qui étaient célibataires, puis ils sont arrivés maintenant suffisamment dans une réelle identité pour commencer à regarder autour des autres. Il y en a qui commencent à regarder les femmes, puis des femmes qui commencent à regarder les hommes, puis ils commencent à apprécier le fait de pouvoir... Mais ils sont maintenant libérés d'une fausse identité qu'ils avaient avant, qui était une forme préférentielle qu'ils se donnaient en tant qu'égaux par rapport à la particularité psychologique de leur valeur égoïque. Mm-hmm. Puis ça, ils ont commencé à casser ça. Fait que là, ils commencent à réaliser qu'une femme, c'est pas nécessairement un casse-pied. Parce que le célibataire dit, les femmes, les casse-pieds, une femme, ce n'est pas nécessairement un casse-pied. Il y a des femmes qui le sont, comme il y a des hommes qui sont toutes sortes de choses. Donc, il faut être dans une certaine identité pour réaliser que l'homme, dans son identité, c'est un être merveilleux. La femme, dans son identité, c'est un être merveilleux. Quand ces deux-là se rencontrent, il n'y en a plus de célibat. Mm-hmm. Puis, il n'y a plus de fausse vision du couple où la femme est esclave de l'homme, puis que l'homme vit son rapport avec elle simplement pour des échanges d'énergie sexuelle. Ça va plus loin que ça. Mm-hmm. C'est là que l'homme rentre dans le couple créatif. Mais est-ce qu'un être qui a de l'identité en arrive inévitablement dans sa vie à se créer un couple? Ou s'il peut... Il en arrivera inévitablement dans sa vie à se créer un couple parce qu'un être qui a de l'identité a trop de puissance créatrice, donc il est too much. Pour lui-même? Il est too much. Il est too much. Point final. Mais too much. Faut que l'énergie passe. Faut qu'elle soit canalisée. Mais il peut le faire dans son travail? C'est pas assez. C'est pas assez? Non. Parce que l'expression créative d'un homme conscient dans le travail, la créativité d'un homme qui est dans son identité dans le travail, c'est tellement facile. Regarde-moi quand je fais des livres. Mm-hmm. Tu dis, bon, mais écris-donc un livre sur la sexualité, je t'en écris un. Écris-donc un livre sur la psychologie. Tu peux écrire sur n'importe quoi, c'est tellement facile. Tu n'as plus de challenge. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, tu as besoin de... OK, ça c'est intéressant. Pour un homme conscient, le travail, c'est passé. Il a besoin d'un échange. Moi, dans le travail, je suis comblé, dans le sens que je me comble, mais c'est passé. Parce que c'est gratuit. J'ai écrit un livre de 900 pages, là, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est gratuit. Fait que, il n'y a pas de challenge là-dedans. Tandis que le rapport avec ma femme, avec ma fille, l'essence de trois personnes créatives qui se complètent, ça n'a pas de prix. Ça a pas de... Mais vous allez dire qu'il y a du challenge? Non. Ça n'a pas de prix, pas de challenge, il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de lutte? Non. Mais vous me dites, vous écrivez un livre de 900 pages, il n'y a pas de challenge, puis vous dites c'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant, parce que dans ton rapport mental avec un être qui est dans son identité, tu vas toujours plus loin dans l'étude de la vie, dans la compréhension de la vie, dans la dynamique de la vie, dans le mouvement de la vie. Ma femme, elle me dit, il faut que je m'en aille en Italie, là. Je lui dis, il faut que tu sois en Italie, elle dit, ouais. Elle dit, là, il faut que je parle. Je lui dis, va-t'en. Tu sais, il faut que tu sois à l'écoute. Mm-hmm. Elle dit, il faut qu'elle s'en aille en Italie. Mais si elle dit, il faut qu'elle s'en aille en Italie, tu peux pas dire, mais c'est pas que tu ailles en Italie. Je m'ennuie. Mm-hmm. Je veux pas être seul. Ça coûte trop cher. Mm-hmm. Donc, il faut que tu organises les moyens pour qu'elle aille en Italie, parce que est rendu dans son esprit, dans sa vie, à devoir aller en Italie pour faire telle affaire, telle affaire. Mm-hmm. Fait qu'il y a un processus. Fait qu'elle m'ouvre la vie, elle m'ouvre l'Italie, elle m'ouvre des événements, elle m'ouvre des choses. Ma femme, elle travaille par rapport à moi comme elle travaille par rapport à elle-même, ainsi de suite. Mm-hmm. OK. Donc, si je comprends bien, dans un couple, vous avez du mouvement, puis dans votre travail, vous avez une finalité. Dans le couple, il y a du mouvement. Dans le travail, il y a une finalité qui a pas de fin. Ouais. C'est une finalité qui n'a pas de fin. C'est une finalité dans le sens que il y a des gens qui me disent, quand est-ce que tu vas arrêter de donner des séminaires, quand est-ce que tu vas arrêter de donner des conférences? Mais je vais arrêter, mais que j'aime plus ça. Puis là, ils vont dire, mais quand est-ce que tu aimerais plus ça? Mais ils vont dire, quand je vais sentir trop d'ego, peut-être. Si je sentirais trop d'ego. Ou si quelqu'un d'une salle me lancerait une tomate. Supposons que quelqu'un d'une salle me lancerait une tomate, là, je dirais, bon, ben, c'est de valeur, là. J'ai pas besoin de ça, bonjour. Ce serait de valeur parce que ça m'empêchait de continuer de donner des conférences à tout le monde que j'ai connu depuis des années de temps. Ouais. Fait que, mais ça fera partie du processus. Ouais. Fait que le gars, il était placé dans la salle, il me lançait une tomate, c'est le timing. Ça, fait que je vivrais pas, je pourrais pas dire, c'est parce que c'est toi, là, mon enfant de chienne, là, qui m'a tout arrêté ma job, là, puis de parler au monde. Là. Ouais. Ça fera partie des événements. Mais j'ai un galant dedans, je vais savoir si je vais en avoir une tomate, fait que je continue. Mais, fait que tu peux pas arrêter, t'as pas de raison d'arrêter ton travail quand c'est plus du travail. Moi, je viens ici, j'ai du fun, je parle. D'ailleurs, mes conférences sont bonnes en fonction de toi. C'est toi qui es responsable des conférences. Si jamais les gens disent ça a été plate à soir, c'est à cause de toi, c'est jamais à cause de moi. Fait que si t'as des bons sujets, si t'as des sujets que le monde aime, puis t'es proche du monde, t'es proche de ton public, pis t'es ici. Pas les affaires que toi tu peux savoir ou que moi je peux savoir. Les choses que le monde veut savoir à tous les jours, la job, la vie, tout ça, là. Dans pas les extraterrestres, ça c'est pour d'autres mondes, ça c'est une autre catégorie. L'affaire de tous les jours, c'est ça. Il y a du monde qui peut avoir les affaires de tous les jours, mais il faut que si tu leur trouves des sujets, ben moi je vais remplir les sujets. Il y a d'autres personnes, mais ça va être des extraterrestres. Pour eux autres, c'est important, mais il y a d'autres personnes qui le font. Et ainsi de suite. Fait que c'est le même que ça marche. Mais c'est pas que c'est toi qui es responsable des conférences. Fait que trouve-le des bons sujets, puis placote avec ça, puis dis-leur, mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'on parle le mois prochain? Moi, je le dis, ils en ont toutes des idées. Alors, on va parler de ça. Fait que moi, je continue mon travail, puis j'aime ça. Les tomates, pour moi. Fait que, c'est plus un challenge, là. Ouais. Mais un point aussi que je voulais relever, c'est qu'il y a des gens, des fois, qui me disent, dans un couple, je me sens restreint. Quand je m'en vais dans mon travail, j'ai 25-50 personnes qui m'absorbent. Parce qu'ils ne se sentent pas absorbés dans leur couple. Donc, il y a des gens qui vont débattre le fait qu'ils s'expriment ou qu'ils se manifestent mieux quand ils sont à l'extérieur d'une vie privée que dans une vie privée. Oui, je suis d'accord. Oui, mais oui. Mais écoute, le couple, c'est en ébullition. Okay. L'individu est en ébullition. Avant que ta femme soit dans son identité, avant que ton mari soit dans son identité, ça prend un certain temps. Fait que plus les gens avancent là-dedans, mais plus moins ils sont restreints dans leur couple. OK. Mais vous dites un homme ou une femme, peu importe. Là. Faut qu'il y ait de l'échange. Ça part. OK. Bon. Une personne qui a de l'identité et qui a de l'échange avec, on va donner un chiffre là, 50 personnes, c'est pas mieux d'avoir de l'échange avec 50 personnes qu'avec une seule personne? Non. C'est bien plus fatigant. C'est plus fatigant. C'est bien plus fatigant d'avoir de l'échange avec 50 personnes qu'avec une personne. Parce qu'avec 50 personnes, tu es obligé d'ajuster constamment parce qu'ils ne vivent pas avec toi la proximité. Okay. Tandis qu'avec ta femme, tu n'as rien à ajuster. Okay. C'est un couple ajusté. Son identité. C'est toujours de l'échange. C'est comme de l'eau, ça n'arrête pas. Tandis que si tu deals avec l'extérieur, même si c'est des gens qui sont merveilleux, tu es obligé d'ajuster. Moi, je suis obligé d'ajuster avec Donald Moses. Mm-hmm. Je l'aime bien, puis c'est un homme merveilleux. Moi, je suis obligé d'ajuster. Mm-hmm. Les gens que je rencontre quand je vais au bureau, je suis obligé d'ajuster. Fait que ça, éventuellement, ça draine. Faut que tu prennes du recul, puis tu continues à vrai, puis ça draine. Mm-hmm. Tandis qu'avec ta femme, tu n'as pas besoin d'ajuster. Mm-hmm. Ta fille, tu n'as pas besoin d'ajuster. C'est toujours la découverte, parce que tu as trois esprits qui travaillent ensemble dans la même direction. Puis c'est quoi la direction? C'est la paix dans la famille, puis le fun dans la famille, puis l'expansion de la vie de famille. Fait que. Qu'on ne peut pas trouver dans un milieu de travail. Que tu ne peux pas trouver dans un milieu de travail. Absolument pas trouver. Tu ne peux pas trouver ça dans un milieu de travail. Un milieu de travail, c'est un autre ball game. Mm-hmm. Okay. Ça peut être très merveilleux, mais c'est un autre ball game. Donc, une carrière, ce n'est pas une identité. Tu ne peux pas changer une femme pour un boss. No way. Fait qu'une carrière, c'est intéressant parce que ça permet de canaliser ton énergie créatrice. Mais un couple créatif, un couple qui est dans son identité, c'est une maison pour l'esprit. Un couple, c'est une maison pour l'esprit. Bon. Mais ça sort de même. C'est bon, ça. Bon, c'est bien, ça a l'air, hein? Une maison, un couple, c'est une maison pour l'esprit. Puis un travail, c'est quoi pour l'esprit? C'est un job. Mais c'est parce qu'il y a énormément de gens qui, pour dissoudre la survie du couple, investissent énormément dans le travail. Oui, mais c'est de la compensation. C'est de la compensation. Ben oui, c'est de la compensation. S'ils travailleraient moins puis qu'ils seraient plus dans leur intimité, ça irait mieux. Ça fait encore partie de l'expérience du couple. Ça fait encore partie des gens accouplés. Il y a des hommes qui travaillent trop. Ils devraient s'emmener un petit peu de sa maison. S'occuper. Mais ça fait partie de l'expérience. Okay. Là, quand tu me parles du couple, je peux pas te parler du couple à tous les niveaux. Je te parle du couple, là, le couple qui est dans son identité, là. Oui, oui. Le couple qui est dans son identité, là, il y a de l'équilibre entre la job et le travail, la maison. Okay. Il y a de l'équilibre. C'est parfaitement équilibré. Mais un couple qui n'est pas dans son identité, qui est en recherche d'identité, mais automatiquement, tu vas avoir des choses comme ça. Le gars qui vit du burn-out, par exemple, parce qu'il est tous à la job. C'est ça. Il se marie à la job. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut traiter dans un couple que les deux ont de l'identité, comment est-ce qu'on peut traiter l'environnement social qui fait une pression sur un des deux partenaires? C'est style, l'individu est à son travail, et puis un individu dans le milieu de travail qui essaie de faire pression pour s'accaparer une personne du couple. Parce que, disons, mettons, c'est un patron qui ne connaît pas la femme de son associé ou de l'autre, et puis qui fait comme une sorte de couple occulte avec son associé, puis ça déstabilise le couple. Comment est-ce que l'homme qui revient dans son couple doit traiter avec sa femme, disons, là, par rapport à ça? Ah oui, ça c'est intéressant. Tu peux pas te laisser englober, tes énergies englobées par l'extérieur contre ta partenaire. Contre le couple. Jamais. Okay. Parce que tu perds. À court ou à long terme, tu vas perdre. Tu vas perdre ta famille, tu vas perdre tes enfants, tu vas perdre. Tu peux pas faire ça. Même s'il y a une augmentation de salaire. Ah non, ça c'est du bluff. C'est de l'achat, ça. C'est de l'achat. Il y a bien des hommes qui se font prendre là-dedans. Il y a bien des hommes qui se font prendre pour. qui se font offrir une augmentation de salaire, puis automatiquement, il y a une perte de valeur dans leur couple. Mm. C'est pas intelligent, mais ça fait partie de l'expérience de l'homme dans son travail. Okay. Ça fait partie de l'expérience du couple. Ben ça n'est une situation contradictoire. Ah, il y en a des millions de même. Ouais, ouais. Me dire une chose, tu pourras faire des conférences sur le couple pendant 15 ans, je n'aurais même pas commencé à parler. Parce que c'est l'étude psychologique de l'homme, dans le fond. Mm-hmm. Que ce soit à travers le couple, ça va toucher à tout le reste. Fait que le couple, c'est très, très... Le couple, c'est très occulte, c'est très grandiose, c'est très profond. C'est là, c'est à l'intérieur de ceci que l'homme souffre. L'homme, génériquement parlant, souffre. Mm-hmm. Moi, un des éléments qui m'intéresse énormément, là, dans le phénomène du couple, on n'en sortira pas pour une couple de minutes, c'est l'infiltration potentielle des pensées ou des idées venant de l'extérieur qui viennent... Ça va jusqu'à la vibration qu'un individu peut aller chercher ou être trempé à l'extérieur qui ramène dans son intimité. Là. Jusqu'où peut aller de l'infiltration dans un couple? Là? Mais on parle toujours du couple qui a de l'identité. Tu parles d'influence. Là. C'est ça. Il y a toujours des influences d'extérieur qui peuvent miner un couple. Mais plus l'individu rentre dans son identité, moins il y en a. Puis moins il y en a, puis éventuellement il n'y en a plus. OK. Une personne qui a de l'identité, est-ce qu'il est automatiquement libre de toute influence? Une personne qui a de l'identité n'est pas influençable. Absolument. Absolument. Alors, 360 degrés. Je vais te dire pourquoi, là, même si je vais dans le culte de ma conscience, à moi personnellement, pour l'expliquer. Quand tu as une identité, tu as un rapport télépathique direct avec le plan mental. Fait que, comme dans mon cas, j'ai pas besoin de penser. D'ailleurs, je pense pas, j'ai pas besoin de ça. Bon. Mais je vis de la communication télépathique. Fait que la pensée réflexive, personnelle, que l'homme évolutif a, moi je vis une pensée créatrice, autrement dit, de la communication, de la télépathie entre le plan mental puis la source. Donc, si il vient, bon, supposons que mon partenaire Donald, il disait, on fait telle affaire. OK? C'est intelligent, c'est intéressant. Ça prendrait réellement là, un homme là, par les oreilles. Okay? J'arrive chez nous, puis je dirais à ma femme, Donald, il m'a suggéré qu'on fasse telle affaire, tel projet, par exemple. Elle, ça va lui prendre une journée pour résoudre son problème. D'abord, elle va se coucher le soir, puis elle rêve. Puis comme un médium psychique, elle rêve, puis laisse-moi dire qu'elle comprend ses rêves. Fait qu'elle va aller dormir le soir. Puis elle va vouloir rêver de cette affaire-là, parce qu'elle les commande, ses rêves. Fait qu'elle va rêver de cette affaire-là, elle va se lever le lendemain matin, puis le rêve va lui dire, c'est bon, c'est bon. Mm-hmm. Fait que déjà, elle a sa source. Donc, elle n'est pas influençable par moi. OK. Puis moi, si elle me donne du flat, dans le sens que si elle dit, le rêve, là, parce que le rêve, c'est absolu. Si elle dit le rêve, c'est pas bon. Ça indique que tu ne devrais pas faire ça. J'ai un calendrier en dedans, puis ils vont dire, écoute, là, elle a raison. Fait que tu es influençable. OK. Mais là, l'associé ne pourrait pas dire, c'est ta femme qui porte les culottes ou quelque chose de... Bon, l'associé, s'il n'était pas intelligent, oui. Mais si c'est un associé intelligent comme Donald Lee, c'est ce que c'est qu'il fait. Quand il y a des grandes décisions corporatives à prendre, lui, il appelle ma femme au téléphone, puis il dit, rêve d'autre telle affaire à soir, puis tu me le diras demain matin. Fait que tu n'en as plus de problème. Quand tu fonctionnes avec des gens qui ont l'identité. OK. Tu comprends? Ça fait que c'est pour ça que c'est bien important, l'identité. Donc, un associé ou un patron qui trouverait un employé qui a de l'identité, il y aurait avantage à connaître la femme de l'employé. Mais ça dépend des facultés de la femme. Ma femme, elle a ces facultés-là. Il y a d'autres femmes qui auront d'autres facultés. Mais est-ce qu'une personne qui a de l'identité a automatiquement une faculté? Une personne qui a de l'identité a automatiquement une faculté, là, oui. Donc, c'est une faculté qui n'est pas conditionnée par l'ego. Donc, une personne qui a de l'identité ne se fait jamais dissocier son intimité? Non. Jamais. Non. C'est très important. Non, parce qu'elle est totalement dans son intelligence. J'ai pas dit qu'elle est totalement intelligente. Mm-hmm. Elle est totalement dans son intelligence. OK. Mais est-ce qu'elle fait ça pour défendre le couple ou si elle fait ça pour elle-même? C'est une question intéressante. Il nous reste une minute. Je vais te le dire, attends un peu. Elle fait ça pour maintenir de l'ordre. C'est pour elle-même? De l'ordre pour tout le monde. Pour elle-même, pour son mari, pour sa fille. Pour son enfant. Mais fondamentalement, est-ce qu'elle le fait pour elle-même? Elle fait ça pour maintenir de l'ordre. C'est ça. De l'ordre, c'est... De l'ordre. De l'ordre. Dans le sens conscient, là. De l'ordre, c'est en soi une finalité dans la vie. Okay. Donc, si elle le fait pour elle-même, automatiquement, ça rayonne sur l'environnement. De l'ordre, dans le sens de la conscience. De l'ordre, dans la vie, c'est une finalité. Un homme, là, ou une femme, ou une famille, ou un être, qui a de l'ordre dans sa vie, conscient, je parle d'un ordre conscient, créatif dans la vie, là, ne souffre plus. Mm. Ni sur le plan mental, ni sur le plan physique. Parce que l'ordre, c'est l'équilibre des énergies entre la source et la matière. Et l'homme en arrivera à découvrir au cours de son évolution différents niveaux d'ordre, ça va très loin, l'ordre.